À l'occasion du 45e anniversaire de la publication de l'historique déclaration commune du 4 juillet, l'Organisation de solidarité des peuples afro-asiatiques a lancé une déclaration le 1er juillet. Elle a indiqué que les trois principes de la réunification de la patrie précisés dans la déclaration commune du 4 juillet constituent le grand programme commun à respecter invariablement par la nation coréenne pour l'amélioration des rapports nord-sud et la solution du problème de la réunification, et qu'il faut les prendre pour guide afin de réaliser le vœu et l'aspiration de toute la nation coréenne qui désire la paix et la réunification de la péninsule coréenne.